toujours mieux que les autres. Mise en place pour des poltrons, la torture et l'holocauste. S'ils veulent pas ma vie, sinon mon cas leur donne. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres. Y'en a eu d'autres avant moi, sont maintenant dans des bouquins. Si au peuple je laisse le choix, ils mangeront plus dans ma main. Je les traiterai plus comme des chiens. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres. Même si la peau sur chaque meurt, assassiné ou de ma belle mort, des jeunes reprendront le flambeau, grande zéro et cher de sang. Crois qu'un mec aussi, il pardon. Je m'inspire de leur massacre, faire toujours mieux que les autres.